Radio Mont-Blanc, l'agenda. Chaque année, depuis 2010, le High Five Festival rassemble toute la communauté du ski à Annecy. C'est le festival du ski, mais pas que. Entre présentations de films, conférences, sessions de dédicaces, animations et soirées, l'événement offre de quoi faire vibrer toutes les générations de passionnés de l'outdoor. Retrouvez le programme sur highfive-festival.com. C'est Annecy, vendredi, samedi et dimanche. Vendredi soir, Radio Mont-Blanc, partenaire officiel des Pionniers de Chamonix, on vous offre vos invitations pour tous les matchs à domicile. Prochain match à la patinoire Richard Bozon. Vendredi à 20h, les pionniers affronteront les gothiques d'Amiens. Pour gagner vos invitations, envoyez pionniers sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc, 04 50 58 24 47. Les pionniers, je vous le rappelle, face à Amiens, c'est ce vendredi soir. Les pionniers également sur la glace, ce soir à Richard Bozon, face aux dragons de Rouen. C'est à partir de 20h, allez les encourager.